Et maintenant, c'est l'heure du Flash Info sur Radio Édito. Attention, cette nuit, on change d'heure. On passe à l'heure d'hiver. Ah oui, à 3h du matin, il est 2h. C'est ça, on va reculer notre montre d'une heure. C'est bien, non? Oui, on va dormir plus. On gagne une heure de sommeil. Super!